une de mes loquilles. Moi j'aime trop les femmes pour les voir souffrir. J'aimerais également remercier Luigi. Bonjour et bienvenue dans le quatrième numéro de Porte Bidon, émission de sport qui se déroulait tous les troisièmes mardis du mois et qui change de date de diffusion, car nous serons maintenant diffusés le troisième lundi du mois sur Radio Nos Cultures. On peut écouter cette émission sur radionoculture.wordpress.com. N'hésitez pas à partager le lien sur les réseaux. Après un mois d'absence pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous revoilà pour cette nouvelle année 2025. Je rappelle le concept, un acteur du sport local qui vient nous parler de sport. Aujourd'hui, nous allons parler de triathlon et pour cela, je suis en compagnie pas de une, mais de deux personnes. Donc Léa Charenton et Franck Mullet. Bonjour Franck et Léa, comment ça va ? Bonjour, ça va. Salut à tous et bonne année. Et bien bonne année à vous aussi. Donc Léa, tu es la première femme que je reçois depuis le début de l'émission, merci d'être là, je suis très content. Les gens autour de moi commencent à penser que j'étais misogyne, donc voilà, sachez que je le suis totalement et que je fais ça juste parce qu'on me le demande. Donc Léa, toi tu as 22 ans, tu pratiques le triathlon depuis que tu as 7 ans. Depuis petite, tu as eu des problèmes de santé qui se manifestent par des malaises qui t'empêchent de t'épanouir pleinement et notamment dans le sport. On te conseille même d'arrêter le sport. En 2021, tu es hospitalisé et on te découvre une hypersensibilité du nerf vague. Suite à cette hospitalisation et à ce diagnostic, tu sors de l'hôpital remonté à bloc et tu décides de te mettre au sport et pas qu'un peu, puisque le 1er octobre 2023, tu finis ton premier Ironman et tu fais même mieux que ça puisque tu finis première de ta catégorie et te qualifies pour les championnats du monde d'Ironman à Nice que tu as bouclé également le 22 septembre 2024. Et je ne compte pas non plus tous tes marathons et les Alpha Ironman que tu as effectués entre-temps. Est-ce que j'ai tout raconté à peu près en large ? Ouais, tout est bien raconté. Bon, parfait. Et donc, à ma gauche, j'ai Franck Mullet. Tu as 36 ans. Tu commences le sport par le judo. Ensuite, un peu de natation de 2 à 3 ans. Pendant 2 ou 3 ans, pardon. Qui doivent bien te servir maintenant que tu fais du triathlon, d'ailleurs. Et le foot, pendant environ 20 ans, dans divers clubs. Tu testes le triathlon en 2017, d'après ce que tu m'as dit, tu sais pas trop comment t'es arrivé là, et tu fais ta première compète, donc un XS à Mimizan. En 2019, tu arrives à Bayonne et tu rejoins le club de l'Aviron Bayonnais. Tu commences tes premiers entraînements club, notamment la course à pied où tu n'avais quasiment jamais fait de fractionné. Tu enchaînes les compétitions locales jusqu'à cette année 2024 où tu te fixes un gros objectif qui est de faire le Alpha Ironman de Nice en juin et de te qualifier pour les championnats du monde en Nouvelle-Zélande en décembre. Une année qui va être compliquée pour toi mais où tu vas réussir à surmonter toutes les épreuves, mais on y reviendra ensemble tout à l'heure. Tu as réalisé des projets sportifs également comme Saint-Jacques-de-Compostelle en VTT, le GR20, la traversée des Pyrénées en vélo et la Vélodyssée de Roscoff à Hendaye. Je me suis trompé quelque part ? Non, tout est juste. Tout est juste. Il y en a beaucoup apparemment. Ouais. Alors j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que toi Léa, tu es aussi licenciée au club de l'Aviron Bayonnais. Ouais. C'est ça ? C'est ça. Bon, eh bien on va commencer à discuter un petit peu ensemble de triathlon. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est le triathlon ? Alors allez-y. Ouais. Léa ? Bah non, Franck. Bon, apparemment on laisse pas la parole à Léa. Le triathlon du coup c'est un combiné de trois sports qu'on va enchaîner. Donc ouais. Généralement on commence par la natation, on continue par le vélo, on finit par la course à pied. Les distances vont aller, on va dire, en adulte du XS. Donc ça va être toute petite natation, tout petit vélo, toute petite course à pied, jusqu'à la distance qu'on appelle communément Ironman, même si Ironman c'est une marque. Ouais. Donc le XS, ça va faire 250 mètres de natte, 10 km de vélo et 2,5 à pied. Et l'Ironman, ou le full distance, qui va faire 3,8 en natation, 180, donc une étape de Tour de France à vélo et un marathon pour finir. Ok. Donc c'est l'enchaînement de ces trois disciplines qui fait le triathlon. Ok. Et donc du coup, ouais, il y a les distances. Il me semble qu'il y a XS, S, M, L, XL. XL qui est le full Ironman. T'as l'air de bien connaître. Hein. Oui. Et donc du coup, il y a aussi donc le M qui est la distance olympique. C'est bien ça ? C'est ça. Et ça c'est quoi comme distance ? C'est 1,5, 40 et 10. Ouais, c'est ça. Ouais. 1,5 km de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Et donc du coup, vous avez les deux, vous avez une petite spécialité en distance. Toi, Franck, tu fais des half et toi, tu fais des full, Léa, c'est bien ça ? C'est ça. Ok. Et ouais. Mais et donc du coup, Léa, tu peux nous rappeler ce que c'est exactement la distance que tu fais ? Donc la distance Ironman, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied, enfin un marathon à la fin. Et donc toi, Franck, c'est ce que tu as fait, c'est la moi, moitié. Moi, c'est la moitié. Ouais. Le half, on appelle ça 70.3, c'est juste la distance en miles qui est là, ça. Mais après, pas de spécialité spécifique. Je trouve juste que le full, c'est très long et beaucoup d'énergie. Et du coup, le L ou le half, c'est quelque chose d'un peu plus court et où on peut s'exprimer différemment. Ouais, ok. C'est vrai. Mais par contre, je sais que toi, Franck, tu t'es essayé au full Ironman une fois, que t'as pas réussi à boucler, je crois. Exact. Faut toucher un mot. Et toi, on en reparlera après peut-être. Et toi, Léa, t'as aussi fait, par exemple, du half Ironman. T'en as bouclé, hein, il me semble. J'ai bouclé un half Ironman après avoir fait un Ironman. D'accord. Je m'étais dit, je saute dans le grand bain direct. Oui. Et après, j'essaie plus petit. Voilà, c'est ça. Mais après, vous faites quand même un petit peu toutes les distances. Oui. Vous avez déjà essayé à peu près toutes les distances quand même. Ouais, pour ma part, ouais, toutes les distances, histoire de se confronter un peu à tout le monde, de se confronter à soi-même. Et forcément, les compétitions locales, il n'y a pas toutes les distances, donc on va voir un petit peu ce qu'il y a aussi. C'est des rythmes différents aussi, donc ça permet de faire autre chose. Ok. C'est bien pour s'entraîner. Eh bien, ça marche. Eh bien, je vous propose déjà qu'on écoute une petite musique que Léa a choisie. Et c'est Boulego avec la chanson Bueltanda. Orain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin Eldu orain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira Ze bueltan da Barruan dugun pasio sugarra Bueltan da Barruan dugun pasio sugarra Zuli dira Presagabe korduak elkarri begira Denak galduta dantzan Azten zarenean Zederra zaren Imperfekzio Perfektu horiek agerian Zederra zaren Marrazu zenetik kanpo Amesten duzunean Zederra zaren Irribarrez Eldorain eskutik dagoazen Amets berriak idazten saiatuko Bueltanda Boulego, choisi par Léa. Alors Léa, pourquoi avoir choisi cette musique ? Eh ben, c'est une musique qui me met toujours de bonne humeur. Bon, il arrive des fois où aller à l'entraînement, bah, c'est un peu compliqué. Et celle-ci, elle a le petit truc qui fait que hop, j'ai envie de partir. Ok, donc quand je vois sur ton Strava les petites notes de musique à côté de ta course à pied, c'est ça que t'écoutes, ouais, c'est voilà, ça ? Ouais, c'est ça. Ça me plaît bien. Ouais, t'as deviné. Quand on regarde ton Strava, c'est vrai que t'as l'air assez... Ah, je chante tout le temps. Ouais. Il y a souvent la la la, des petites musiques écrites. Ouais, donc du coup, on se doute que tu dois beaucoup chanter en courant et sur le vélo. Karaoke run, c'est sympa. Donc Léa, on va s'intéresser un peu, d'un peu plus près à ce que t'as fait donc, cette année. Donc du coup, comme je l'ai dit dans la présentation, t'as fait donc, les championnats du monde d'Ironman, donc de full Ironman, qui est la plus grande distance qui existe en triathlon. Enfin, il y a les doubles et triples Ironman aussi, mais c'est quand même la plus grande en un seul coup, il me semble. Ouais, bah, le label Ironman. Ouais, voilà. Ouais. Donc du coup, déjà, bah, tu peux nous expliquer ce que c'est Ironman, parce que c'est une marque, il me semble. Ouais, Ironman, c'est une marque qui est déposée, et en soi, bah, si on prend par rapport à la fédération, c'est un triathlon XL, et Ironman a fait tout un événement, une marque pour ouais. Cette distance. Oui. Et il me semble même que c'est que pour ceux qui font du trail, je crois que c'est le même groupe que UTMB maintenant. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est une marque qui fait plusieurs événements sportifs. Donc toi, tu t'es qualifié sur quel Ironman ? Je me suis qualifié sur l'Ironman de Barcelone. Okay. Du coup, bah, là, il y a... En octobre, pas en octobre 2024, mais en octobre 2023. Ok, c'est et ça. Toi, quand tu t'es inscrit pour cet Ironman, ton but, c'était quoi ? C'était de te qualifier ou c'était de finir ? C'était surtout de dépasser un peu mes soucis de santé. D'accord. De me dire que j'étais capable de tenir un rythme d'entraînement bah, assez élevé et pouvoir aussi bah, ouais, que mes malaises n'interviennent pas où j'arrive à les gérer. Okay. Et c'était surtout du dépassement de soi, j'avais pas l'idée de me qualifier à quoi que ce soit. Ok, parce que donc ces problèmes de santé là, ça impacte comment ton quotidien et tes entraînements ? Bah en fait, en fonction de ma fatigue, de ce que j'ai mangé, en fait j'ai une hypersensibilité du nerf vague. Du coup, c'est le plus grand nerf qui part de la base crânienne. Et en fonction de mes émotions, de ce que j'ai mangé, de tellement de choses, je fais un malaise. D'accord. Mais là, je suis à la radio, bah, hop, je peux faire un malaise, ah oui, sans m'en rendre compte. Tu vas peut-être éviter, ça m'arrangerait, parce que je suis SST, mais je ne suis pas sûr de pouvoir faire quelque chose pour toi, je t'avoue. Ouais, non, mais là, compliqué. Et... Vous serez là, vous inquiétez pas. Ouais, Franck est toujours là pour nous sauver. Mais du coup, tu t'entraînes combien de fois par semaine, par jour ? C'est quoi ton rythme d'entraînement ? Parce que... Pour avoir une aussi grosse distance, il doit y avoir quand même un gros volume d'entraînement. Ouais, alors pour mon premier, du coup, je m'entraînais, j'étais à 15 heures, entre 15 et 16 heures. D'accord. Et après, bah, pour les autres qui ont suivi, un peu plus élevé. Quand tu dis 15-16 heures, c'est par semaine, hein ? Par semaine, oui, tout à fait. 15-16 heures par semaine. Et donc, quand tu as commencé tes entraînements, tu as fait des malaises et tout ça pendant oui. les entraînements ? Ah oui, oui, ouais. Ouais. Mais après, j'ai un entraîneur, du coup, qui a pas mal suggéré, on a travaillé là-dessus pour savoir quand est-ce qu'ils venaient, comment les éviter. Et au fur et à mesure, on a mis des petites choses en place et on a vu que ça fonctionnait. Mais des fois, ça prévenait pas et j'en faisais, mais jamais pendant le sport. C'était D'accord. Je pouvais faire ma course à pied le matin et puis le soir, hop, je tombais dans les pommes. Ah ouais, ça t'arrivait pas pendant ta course ? Non, jamais. Parce que faire un malaise pendant le vélo, par exemple, ça peut être assez dangereux. Ça t'est jamais arrivé, ça ? Si ça m'est arrivé cette année. Ça t'est arrivé ? Ah ouais ? Ouais. Et t'es tombé et En fait, j'ai eu le temps de le voir sur mon cardio. Je voyais mon cardio qui faisait n'importe quoi. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah là, Léa, au moment où tu vas descendre du vélo, le malaise, il va venir. Enfin, c'était sûr. Okay. Et du coup, je suis descendue du vélo et je suis tombée sur mon vélo. Ah ouais, d'accord. Ouais. Okay. Donc tu as fait une petite spécialité de Franck, une petite chute à vélo, quoi. On y reviendra après, mais c'est vrai que Franck est assez spécialiste des chutes depuis cette année. Donc du coup, toi, comme tu nous disais, comme je le disais tout à l'heure et comme tu nous le disais à l'instant, tu as un entraîneur, mais tout à l'heure je disais que tu étais licencié à l'Aviron Bayonnais. Tu nous expliques comment ça se passe justement tes entraînements ? Est-ce que tu suis les entraînements de l'Aviron ? Est-ce que tu as un entraîneur personnel et comment ça se passe ? Alors du coup, ouais, j'ai un entraîneur personnel qui me fait tout mon planning d'entraînement. Et parce que pour moi, c'est plus facile de, bah, d'être assidu et en fait de pas avoir à réfléchir qu'est-ce que je dois faire pour arriver à l'objectif que je veux. Et avec, du coup, je me suis mis à l'aviron bâillonné parce que c'est quand même, ça reste un sport individuel, mais c'est toujours bien de le partager avec d'autres personnes et de voir aussi d'autres mondes qui pratiquent ce sport-là. Oui, c'est vrai que donc moi aussi, je suis licencié à l'aviron bâillonné triathlon. C'est vrai que je crois qu'on s'est jamais vu à l'entraînement. Mais par contre, on s'est croisés sur plusieurs événements qu'on organise ensemble et tout ça. Donc, on se connaissait un petit peu. C'est vrai que c'est toujours sympa de se retrouver tous ensemble, notamment samedi où on s'est retrouvés. On a mangé une petite galette des rois ensemble, donc c'était sympa. Et donc, du coup, ton entraîneur te fait tes entraînements et tu as un planning à tenir donc, toutes les semaines. C'est ça. Ouais, toutes les semaines, je dois respecter le planning ou pas, mais on en discute de pourquoi je vais pas respecter. Et puis, c'est vraiment, il me fait un planning et si, je sais pas, je peux pas le faire ou je peux pas, on adapte, voilà. Okay. Et ça commence, c'est toute l'année ou c'est 2 mois avant un Ironman, 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est comment? C'est toute l'année. Toute l'année, il est là. Et après, tu lui dis ce que tu as envie de faire et lui, donc, du coup, il adapte ton programme par rapport à tes objectifs. C'est ça, tout à fait. Mais c'est vraiment à la semaine. Donc, je lui dis, j'ai envie de faire ça pendant l'année. Et il me dit, OK. Et en fait, toutes les semaines, il me fait mon planning pour y arriver. Et il s'adapte à chaque évolution que je fais. OK. Et donc, toi, tu réfléchis un peu quand même à ton entraînement ou est-ce que du coup d'avoir cet entraîneur ça te permet de pas du tout réfléchir et qu'on te dise exactement ce que t'as à faire? Et par exemple, je pense que sur un full Ironman, comme c'est des grosses distances, il y a peut-être moins d'intensité à faire mais beaucoup plus de volume. Est-ce que toi tu réfléchis à ça ou est-ce que tu laisses ton entraîneur décider et... Oui, j'y réfléchis quand même pas mal parce que c'est hyper intéressant de savoir pourquoi je fais ça, comment ça fonctionne et même c'est bien de le savoir. Donc en fonction de ce qu'il me fait, je lui pose des questions en fait, je lui dis à quoi ça sert, pourquoi je le fais et c'est hyper intéressant. Et donc du coup tu fais quand même de l'intensité ou enfin de l'intensité, ce qu'on appelle l'intensité c'est du fractionné on va dire, c'est mettre des périodes rapides avec des périodes plus lentes de récupération et tout ça, ou est-ce que tu fais vraiment que du footing, du vélo longue distance et des longueurs à perte de vue? non, je fais quand même pas mal d'intensité aussi, c'est sûr que bon, après sur par exemple 5 courses à pied je vais avoir 2 intensités, sur 5 vélos je vais avoir 2 intensités, ça dépend des semaines mais en fait il y aura minimum quand même 2 intensités dans la semaine. Parce que d'accord. Ça permet de mettre du rythme, ça permet aussi d'évoluer sur sa vitesse. Parce que l'endurance fondamentale, c'est hyper important, mais mettre de la vitesse aussi, c'est comme ça qu'on évolue. Ouais. On dit qu'il faut 80%, je crois, d'endurance fondamentale pour 20% d'intensité. Mais bon, je pense que tout le monde en fait un peu plus que ce qu'il faudrait. Mais... Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est ton cas. Mais... Et selon toi, donc, parce que c'est un sport où il y a 3 sports, donc du coup natation, vélo, course à pied. C'est quoi ton point faible et c'est quoi ton point fort? Mon point faible, c'est la natation. Ah ouais. Vraiment, voilà. Et du coup, dans ton entraînement, est-ce que du coup tu vas plus faire de ton point faible et laisser de côté un peu tes points forts ou est-ce que tu vas faire le contraire? Comment non, ça... je vais faire le contraire. En vrai, la natation, j'ai beaucoup nagé étant petite et c'est vrai que. Oui, donc en fait, t'as les bases et t'as pas besoin de travailler. Si, faut travailler hein, parce que même si. En Ironman, c'est pas la natation qui va nous faire gagner, c'est quand même bien d'avoir un bon rythme et de quand même nager les 3 km suite. Oui. Mais c'est vrai que moins j'en fais, mieux je me porte, mais il faut que pour 2025, ça va changer quoi. Il faut vraiment que je retourne nager. Et donc, moins t'en fais, mieux tu te portes, ça. Ça équivaut à combien d'heures d'entraînement par semaine? Pas beaucoup. En vrai, si là, quand je m'entraînais, c'était 4 heures, 3 heures. Oui. Entre 3 et 4 heures. Ça fait quand même pas mal, moi je suis à peu près à ce ratio sur le mois, donc c'est toujours mieux que moi. On va parler un petit peu de tes Ironman, donc de ta qualification et des champions du monde. Donc du coup, Barcelone, comment ça s'est passé? Barcelone, c'était une superbe course. Franchement, rien que dans la fois que j'en parle, c'était mon premier Ironman. La première fois sur cette distance-là, c'est quand même un peu impressionnant. Mais l'ambiance qu'il y a eu c'était trop trop bien. J'ai adoré. J'en ai des tellement bons souvenirs que c'était mon préféré. D'accord. Et pourquoi l'ambiance, le parcours, le... Le parcours, il est pas génial en soi parce que c'est reste beaucoup, c'est quatre boucles de vélo, quatre boucles de course à pied. Mais en fait, on a nos proches qui sont là tout le temps, du coup, parce que comme c'est les quatre boucles, ils peuvent vraiment nous voir. Et il y a de la musique sur le parcours. Il y a une ambiance qui est vraiment dingue. Et je l'ai pas ressenti sur les autres Ironman. Okay. Vraiment, ça a été waouh. Et en plus, le résultat était là, vu que tu finis première de ta catégorie. Ouais. Donc, ta catégorie qui est... 18-24 ans. 18-24 ans. Ouais. Et donc, du coup, tu t'es qualifié pour Nice, où se déroulaient les champions du monde cette année. Ouais. Et après, il faut dire quand même que faire un Ironman à ton âge, c'est quand même... et encore plus dans la catégorie féminine. On n'est pas beaucoup. Vous n'êtes pas beaucoup parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de volume d'entraînement où je pense qu'il faut avoir quand même une caisse quand même assez importante. Donc c'est dingue d'arriver à assimiler autant d'entraînement et de volume dans... Il faut faire des choix sur plein de choses du coup parce que ça prend quand même pas mal de temps. Et quand il y a les études, le travail, c'est vrai qu'il faut... savoir privilégier certaines choses comme on le veut. Mais pas toujours facile. Et donc du coup, tu disais que tu gardais mon souvenir de Barcelone. Et donc Nice, comment ça s'est passé? Nice, je l'ai fait deux fois. Enfin, j'ai fait Nice en juin. Ah oui. Je fais l'Ironman de Nice. T'as jamais assez en fait. Non, du coup, entre la qualification et le truc, tu t'es dit tiens, j'ai fait un petit Ironman. Je me suis fait un petit Ironman. J'ai gagné un dossard. Donc du coup, je me suis dit c'était l'occasion d'aller voir le parcours parce que je connaissais pas à quoi ressemblait le parcours. Ça n'a pas été un super Ironman. J'ai fait une allergie à... J'ai été une semaine avant à Vichy pour les championnats de France et j'ai fait une allergie à l'eau et ça m'a duré toute la semaine. Et le dimanche, j'avais l'Ironman de Nice. D'accord. Et du coup, j'ai été malade tout le long du parcours. Ouais. Donc, assez dur. Oui. Voilà, ça a mis un petit coup au moral. Et après, les championnats du monde, c'était une très belle course. Vraiment, c'était très bien, mais j'ai pas ressenti l'ambiance que j'avais à Barcelone où c'était incroyable. Ah ouais, c'était incroyable. Ah vraiment. Après, c'est peut-être l'effet de la première fois aussi. Non, je pense pas parce que toute l'animation qu'il y avait eu au début, rien que au début de l'Ironman de Barcelone, il y a vraiment une mise de situation, une mise d'ambiance qui est... je pense que c'est vraiment pour les spectateurs et pour les triathlètes, ça met vraiment des frissons. Alors que là, pour les autres, les frissons étaient beaucoup moins présents. Okay. Ouais, en Barcelone, on passe sous une arche où il y a tous les mots de nos proches. Et du coup, on peut voir en fait les mots de nos proches qui nous ont écrit. Tous les mots de nos proches. Ah oui, mots de nos proches. J'ai compris, mono-proche. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, quand on s'inscrit, il y a nos proches qui peuvent mettre des mots. Okay. Et du coup, on passe sous un espèce de tunnel avant de s'élancer dans la natation. Et du coup, c'est... ça prend quoi, vachement. Mais t'es pas passé assez vite, normalement. T'as le temps de les regarder. Hein. Ah si, si, là t'as le temps, je peux te dire que t'as le temps de les regarder. Hein. Donc voilà. Et après, championnat du monde, c'était une belle expérience. Le niveau est quand même beaucoup plus élevé ou t'as senti une différence Le niveau est assez élevé. Surtout que celles qui sont devant moi, en fait, elles font quasiment que ça. Ouais. Vraiment, oui. Voilà. Parce que tu finis quelième du coup Je finis 13e sur 38 féminines et 3e française sur 7. D'accord, ok. Et ça, toute catégorie confondue ou ta catégorie? Non, sur ma catégorie, toute catégorie confondue, je crois que je finis 300 sur 1100 et quelques. Ok. Et juste pour avoir une petite idée, c'est en combien de temps tu finis le... Là, j'ai mis 12... Franck le sait mieux que moi, je suis sûre. Je crois que tu me l'as dit et je l'ai pas noté. 12h quelque chose, 12h. 12h41, j'étais en tête. Quelque chose comme ça, ouais. Bon, après, c'est pas le temps, en fait, je m'en fiche un peu. Je préfère que ça soit au classement parce qu'en fonction du parcours, c'est totalement différent. Du parcours vélo, souvent. Ouais, c'est le... Ça change. Et juste à peu près 3,8 km de nage, ça fait combien de temps? 1h5, j'ai dû mettre 1h8. Oui, donc ok. Je crois exactement c'est 1h11 même. Ouais. 1h11, bien, 11. C'est bien, Franck. J'ai appris hier soir. Franck est fort. C'est moi qui ai révisé. Ah ouais, mais 180 km de vélo à peu près. J'ai mis longtemps. Là, j'ai mis 6 heures. Tu sais mieux, trois fois. C'est 6h57 ou 58. Bien, Franck. Et le marathon, 4h, tu l'as dit tout à l'heure. 4h18. Elle connaît mieux mes temps que moi. Elle connaît tout par cœur. Il a vraiment tout regardé. Eh bien, la transition est toute trouvée. Merci Léa pour toutes ces informations. Après, on va rediscuter ensemble, mais on va peut-être s'intéresser à Franck d'un peu plus près. Mais je vous propose d'abord d'écouter une chanson que Franck a choisie. Donc, c'est Wings de Michael Moore et Ryan Lewis. I was 7 years old when I got my first pair. And I stepped outside, and I was like, Mama, this air bubble right here is gonna make me fly. I hit that court, and when I jumped. I swear I got so high. I touched the net. Mom, I touched the net. This is the best day of my life. Air Maxes were next. That air bubble, that mesh. The box, the smell, the stuffing, the tread at school. I was so cool, I knew that I couldn't crease them. My friends couldn't afford them. 4 stripes on their Adidas. On the court, I wasn't the best, but my kicks are like the pros, yo. Stick out my tongue so everyone could see that logo. Nike Air Flight book bag was so dope. And then my friend Carlos's brother got murdered for his 4s. Whoa. See, he just wanted a jump shot, but they wanted to start a cult, though. Didn't want to get caught from Genesee Park to Othello. You get clammed for those pro wings. Velcro, those were not tight. I was trying to fly without leaving the ground, cause I wanted to be like Mike, right? Wanted to be him. I wanted to be that guy. I wanted to touch the rim. I wanted to be cool, and I wanted to fit in. Wanted what he had. America, it begins. Commodity makes us want it. So expensive, damn. I just got to flaunt it, got to show 'em. So exclusive, this, that, new-ish. $100 for a pair of shoes I would never hoop in. Look at me, I'm a cool kid. I'm an individual, yeah, but I'm part of a movement. My movement told me be a consumer, I consumed it. They told me to just do it, I listened to what that swoosh said. Look at what that swoosh did. See, it consumed my thoughts. Are you stupid? Don't crease them, just leave them in that box. Strangled by these laces, laces I can barely talk. That's my air bubble and I'm lost. If it pops, we are what we wear what we are. But see, I look inside the mirror and think they'll night tricked us all. Will I stand for change? Stay in my box. These Nikes help me to find me, but I'm trying to take mine. School that first day, like these are what make you cool. And this pair, this would be my parachute. So much more than just a pair of shoes. Nah, this is what I am, it's what I wore. This is the source of my youth. This dream that they sold to you for $100 and some change. Consumption is in the veins, and now I say it's just another pair of shoes. Wings de Michael Moore et Ryan Lewis. Je crois que je le dis mal parce que Mathilde m'a fait un signe comme quoi on disait pas Michael Moore mais Michael Moore. Ou je, bon, je suis pas anglais, je suis désolé. Donc j'espère que vous allez me pardonner. Donc Franck, pourquoi cette chanson, pourquoi t'as choisi cette musique? Alors j'ai choisi cette musique parce que en fait c'est le sponsor ou le partenaire principal d'Iron Man là, cette année ou ces derniers temps, c'était VinFast. Et ils avaient fait une petite publication avec cette musique. Et j'ai vu ça à ce moment-là et j'ai trouvé qu'en fait elle monte petit à petit et c'est assez fort derrière, donc ça donne un peu, c'est comme le départ d'une course là, ça monte et puis ça donne un peu de motivation et d'énergie pour la course. Ok, Donc je vois. Voilà pourquoi. Ok, ça marche. Donc du coup, on parlait donc avec Léa d'Iron Man. En off, tu me demandais si j'allais te poser la question de savoir si tu avais fait un full Iron Man. Tu nous as dit que oui, et donc tu avais abandonné, c'est bien ça? Tout à fait. Du coup, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était en 2020, c'est à Roth. Donc il y a deux grosses marques, il y a Iron Man et il y a Challenge. Donc Roth, c'est la marque de Challenge. Okay. Et dans la mecque du triathlon, on parle de Kona pour les championnats du monde qui est hyper connu mondialement. Et en fait, le deuxième de la mecque, c'est Roth, c'est en Allemagne. Okay. Donc c'est au bout de l'Allemagne, c'est à Nuremberg. Et je me suis. 2022, c'était un peu pas mes débuts, mais ouais. Je commençais à comprendre le triathlon un petit peu. Et je me suis laissé embarquer avec les copains. Ils m'ont proposé de venir à Roth entre nous. On a eu une place parce qu'il faut réussir à avoir la place, qui est pas facile. Donc c'est sûr, il faut être très rapide et en plus un tirage au sort. Et je me suis pas réellement préparé. J'ai pas peut-être pris la mesure totale de l'événement. J'y vais un peu à la cool, préparé, mais pas non plus préparation au top. Et puis problème d'alimentation en fait. Je m'hydrate mal. On pourrait en reparler, mais c'est un sujet important sur le triathlon, sur la longue distance notamment. Et à pied, capot quoi. Donc j'ai pas pu finir à 21 à pied. Ok, non, parce qu'on va en reparler après un peu de l'alimentation avec Léa aussi à la fin, quand on va reprendre un petit peu tout ce qui se passe dans le triathlon. Mais là, on va s'intéresser à ce qui s'est passé cette année. Donc Franck, toi, depuis le début de l'année 2024, ton objectif, ça a été de te qualifier pour les championnats du monde qui étaient à la fin en Nouvelle-Zélande. En te qualifiant sur l'Alpha Ironman de Nice. C'est exact. Tu nous racontes un peu comment ça s'est passé, ces objectifs, et comment tu les as atteints? Ouais, alors du coup, 2024, en fait, c'est parti. Moi, Ironman et qualification championnat du monde, c'était pas trop mon truc. Moi, j'aime beaucoup la compétition, mais je prends beaucoup de plaisir sur les compétitions locales avec les copains. Et c'est un copain du BO, je sais pas si j'ai du mal à le dire quand même parce qu'on est de l'aviron, mais c'est un copain du BO, moi, Charles. Moi, je suis pour le Biarritz Olympique au rugby, donc il n'y a pas de souci. Mais le rugby n'est pas le triathlon. Non, c'est vrai. Du coup, c'est un copain du BO, c'est Charles, l'année dernière, que je connais dans le travail, qui est arrivé avec sa qualif un peu pour les championnats du monde et qui m'a montré ça. Donc petit à petit, l'idée a fait son chemin. C'est quoi la qualif, comment ça marche, où sont les championnats du monde, et puis il s'avère que cette année c'était en Nouvelle-Zélande. Donc c'est devenu un petit peu plus concret. J'ai arrêté de travailler en janvier dernier, donc ça fait un an. Donc l'objectif c'était se qualifier pour aller là-bas. Donc comment se qualifier? On est parti à Nice avec le club, donc ça tombait bien. Donc 70.3 pour se qualifier, donc le gros objectif, j'avais qu'une course, il fallait pas que je me loupe. Ouais. Donc il fallait vraiment aller se qualifier à Nice pour partir en Nouvelle-Zélande. Parce que d'ailleurs, j'ai pas demandé à Léa exactement comment ça se passait, mais comment on se qualifie pour les championnats? Du coup, le 70.3, mais je pense que pour l'Ironman, c'est la même chose. Pendant un an, il y a des courses partout dans le monde. Et Ironman alloue des slots, donc des places qualificatives, qui sont qualificatives par catégorie. Donc d'accord. Il faut se placer le mieux possible par catégorie. Et en fonction du nombre de participants et d'autres critères, il y a plus de places forcément dans certaines catégories. Donc il faut aller chercher sa place par catégorie. Donc du coup, toi, tu commences par te préparer pour Nice dans un premier temps. Tout se passe bien jusqu'à une petite chute à combien de temps avant la course? À un mois avant la course, exactement. Ouais, cinq semaines avant la course. Donc une petite chute à vélo qui te fait fracture du doigt, non, ouais, du, tout à du fait. Métacarpe. De la main, il y avait le cinquième métacarpien, okay. Et puis le quatrième doigt qui a une belle entorse aussi. Okay. Ça, plus quelques égratignures, donc il y a une belle entrave et un beau défi supplémentaire. Pour aller à Nice, donc entre l'opération, il restait plus que 3 semaines et demie avant Nice, ça a mis un petit coup. Ouais. Et donc du coup, tu te blesses, tu peux moins t'entraîner et tu vas quand même à Nice, et donc là tu finis ton Alpha Ironman en combien de temps? À Nice, du coup, on met 5h07 exactement, je crois. Ok, et donc du coup, tu arrives à te qualifier. Effectivement. Donc, comme disait Léa tout à l'heure, c'est difficile de comparer entre Ironman ou différents parcours. Il faut regarder vraiment le dénivelé. Ouais. Bon, la natation, que ce soit en eau libre ou en lac, en eau de mer ou autre, ça change un petit peu, mais pas trop en soi. Le vélo fait beaucoup avec le dénivelé. Et là, forcément, un peu la course à pied. À Nice, il y avait 1200 ou 1300 mètres de dénivelé à vélo. Ouais. Donc, un des parcours les plus costauds. voilà le temps. Et oui, je réussis. Je finis 14e, je crois, de ma catégorie. D'accord. Et il y avait 7 places, exactement, dans la catégorie, donc au roll-down. C'est-à-dire qu'il demande au premier, est-ce qu'il veut y aller, il ne veut pas y aller, est-ce qu'il est déjà qualifié, et puis ça tourne petit à petit. Donc j'ai eu l'avant-dernière place. Donc ça a été, ça a été chaud quand même. C'était juste. Effectivement, mais bien content de se qualifier là. Donc l'objectif est rempli. Donc du coup, toi, là, donc juin, t'es qualifié pour Nouvelle-Zélande et là, démarre un nouveau projet vu qu'il faut tout mettre en place pour partir en Nouvelle-Zélande. Je crois que pendant 2 mois, tu fais rien. C'est ça. En sport, donc l'été. Les saisons sont longues en triathlon. Généralement, on commence à la rentrée en octobre, quelque chose comme ça, avec le club. Donc doucement jusqu'à la fin de l'année. Et bon, forcément, on peut pas nager. Il y a pas de compétition entre fin octobre et début avril, on va dire, dans le coin, en Europe notamment, par la température de l'eau. Bon, grosse prépa depuis janvier. Forcément, il y a d'autres courses pour amener à la préparation jusqu'à Nice. Et moi, je pense que la préparation, que ça soit le physique ou le mental ou psychologique, elle demande tellement d'énergie que après les compétitions, moi j'ai toujours un coup de mou, mais un besoin de souffler. Oui. Donc je coupe réellement. Et là j'ai coupé 2 mois et demi, quoi. Donc j'ai repris mi-septembre, on va dire, la préparation. Ouais. Et là c'est reparti pour une deuxième prépa dans l'année. Et donc du coup deuxième prépa, en plus t'es en décalé de tout le monde. Effectivement. T'es un peu tout seul à t'entraîner. Vu que ici c'est un peu la fin de saison et le début de la nouvelle, enfin on est entre deux, donc il y en a plein qui en font un peu moins, donc tu t'entraînes un peu tout seul et après tu pars en Nouvelle-Zélande, donc en décembre. Tout à fait. Et donc du coup tout se passe bien, prépa impeccablement bien, je pense que tu n'avais jamais été aussi prêt. C'est le cas, c'était le cas. Et donc tu tombes à nouveau en vélo, mais cette fois-ci le jour de la course. Tu nous racontes un petit peu la course et la chute, parce que bon, t'as quand même réussi à finir, il donc me semble. Je pars en Nouvelle-Zélande, donc je refais la prépa. Effectivement, octobre, novembre, décembre, il y a quelques compétitions, donc on se retrouve hors forme, mais parce qu'on revient, on trouve toujours des copains pour aller courir ou faire du vélo ou autre, notamment, bon, j'ai proposé quelques fois à Vicente, mais j'étais pas en forme. et pas là. Moi, j'ai été là, hein. C'est vrai, prochaine fois pour Léa. Donc on part en Nouvelle-Zélande et on était 2 de l'aviron à partir avec Grégoire, qui part avec moi, et je pars notamment avec mon pote du BO. En voyage, on organise tout ça, on arrive une semaine avant, donc c'est à l'autre bout de la planète, donc 24 heures de vol, décalage horaire, un peu dans le jus, mais tout se passe bien, impeccable, grosse ambiance aussi. Bon, championnat du monde, c'est magique, Taupo, c'est au centre de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, enfin... Tout était nouveau pour nous, quoi. C'était pas à domicile. Y a tout qui était magique. Et donc, grosse course, bien préparée. Natation impeccable. Donc, jamais aussi bien nagé. Super content. Vélo, bien aussi, jusqu'au 70e. Même, je pense que j'avais freiné un peu pour bien courir. Et là, bon, on roule à gauche là-bas. Ouais. Donc, bêtement, en jetant un papier, je me déséquilibre, je tape, je sais pas trop comment je fais. Et là, je fais un vol plané à vélo. Donc c'est ma spécialité maintenant. Je commence à bien gérer parce que là, pas de casse. Enfin, pas de casse. Des ratignures. Voilà, ben un peu plus, mais pas de fracture ni rien. Ouais. Je prends le temps, le vélo n'a rien, heureusement, et je repars et je finis le vélo. Et par contre, à pied, ça a été... j'ai fini aussi, mais c'était un peu plus compliqué, quoi. Et moi, ça m'a fait... Alors, parce que je te suivais, et puis je vois qu'il y a eu un souci, parce que je vois la moyenne qui baisse, donc je sais qu'il y a un souci. Donc mais j'en sais pas plus. Je me dis, je vais pas lui envoyer de message après, parce que bon... Et le mardi, je vais à l'entraînement, et donc du coup, je sais ce qui se passe. Je sais que t'es tombé, et on me dit, ouais, il est tombé, parce qu'en fait, eh ben, là-bas, il roule à gauche. Et là, dans ma tête, je me dis, putain, mais Franck, c'est le mec, il roule toute l'année... On est tous en pelotant et lui, il roule tout seul à gauche. Putain, s'il y en a bien un qui s'est roulé à gauche, normalement, c'est Franck. Mais c'est plus à gauche de la droite. Exactement, ouais. Je roule plutôt au centre de la route, mais là, c'était à gauche de la gauche, ouais. Et donc, du coup, tu finis quand même et puis content d'avoir fini. Content d'avoir fini. Bon, l'objectif, c'était vraiment de, cette année de se qualifier pour aller au championnat du monde. Au championnat du monde, le niveau est tellement élevé. En fait, c'est un peu... Pas, c'est pas exagéré, mais tous les meilleurs du monde, même si quand on veut, on peut aller se qualifier. Et il n'y a plus rien à jouer, il n'y a pas de podium, il n'y a pas de classement. Enfin, il y a un classement, mais ça ne représente pas grand-chose. C'était surtout le temps que je voulais faire. Donc, un peu déçu du temps, mais au final, fini. À pied, ça a été compliqué quand même physiquement à finir, mais content de l'avoir vécu. Et puis. Alors malheureusement, ça donne peut-être un petit goût de reviens-y, quoi. Il y a toujours un petit goût de reviens-y en général, j'ai l'impression, pour tous ceux qui y goûtent. C'est très addictif. Et toi, donc, du coup, comment tu t'entraînes parce que donc Léa nous disait qu'elle avait un coach en dehors du club. Toi, par contre, il me semble, j'en suis sûr, même parce qu'on s'entraîne souvent ensemble, notamment en course à pied. Toi, tu profites beaucoup des entraînements du club et tu suis ça. Et après, tu décides un petit peu toi-même de tes entraînements ou... Tout à fait. Moi, j'ai pas de coach. Ouais. Je pense que j'ai toujours rêvé d'avoir un coach perso, mais qui te suit et tout au bord du terrain, mais à mon avis ça le ferait pas parce que je dois être chiant à côté ou ouais. Je pense qu'on s'entendrait pas. Mais moi j'aime bien créer ma saison et puis me faire mes entraînements, réfléchir ouais. un peu à tout ça. J'aime bien ça, je trouve que c'est ouais. une bonne partie aussi de l'entraînement et puis ouais. d'apprendre sur soi et puis sur comment ça marche. Donc non, je profite de forcément des coachs à l'aviron, des entraînements à l'aviron. Et aussi, forcément, quand on part en compétition à Nice, là, on était un groupe de 30, donc on s'est aussi créé, grâce à Benoît qui est au club, un petit planning commun. Donc chacun l'adapte un petit peu comme il veut, mais ouais, moi j'aime bien préparer ma saison, préparer mes séances, pousser les objectifs, voir les points de passage, etc. Ok. Et toi, donc, du coup, dans ta préparation, c'était quoi tes volumes d'entraînement et tes spécificités d'entraînement? Qu'est-ce que tu as fait de spécial un petit peu pour ces préparations? En volume, moi je pense qu'en moyenne durant la prépa on doit être aux alentours de 15 heures par semaine, donc pas des volumes aussi gros que Léa peut-être pour le full, ouais. Mais il y a eu des semaines, on est parti en stage à Tenerife ou en stage à Asparin, c'était des semaines à 25 heures quoi, ouais, ouais. Donc ça me dérangeait pas, je pense que j'ai fait autant de volume que ceux qui préparaient presque l'Ironman, j'avais le temps, donc c'était aussi ouais. ça qui me permettait de faire du volume. Léa qui fait nom de la tête à côté. Oui, moi j'avais pas le temps de... Moi j'avais le temps, donc j'en ai profité aussi, ouais. C'était le but. C'est sûr que quand on travaille, on va dire un 35 heures minimum, plus l'entraînement, plus la vie à côté, c'est pas facile à caler. Est-ce que c'est le matin, le midi, le soir? Là-dessus, moi j'avais ouais. un petit avantage, notamment pour la récupération. Ouais. Parce que quand on s'entraîne beaucoup, il faut aussi récupérer. Et après, c'est à peu près pareil. On fait du volume, on fait de l'intensité, on mixe un peu suivant les sports, suivant la semaine, les contraintes familiales, les rendez-vous, enfin un petit peu tout ça, quoi. Ouais, parce que du coup, je pense que pour un Alpha Ironman, il faut quand même un petit peu plus d'intensité peut-être que sur un full. Je me rappelle en fin de saison dernière, quand on s'entraînait un petit peu ensemble le mardi, il y a eu des bonnes peignées en fractionné, en course à pied quand même. Effectivement. Donc, du coup, ça représentait beaucoup de fatigue ou... Ça dépend des périodes. Pouvant récupérer, je pense qu'il y a plein de choses. Il y a la récupération en dormant, mais il y a aussi plein de choses, on va en parler plus tard, qui font récupérer. Je pense que trop d'intensité. Moi, je mets aussi trop d'intensité, moins de volume. Courir doucement, je ne sais pas faire. Ouais. J'ai beaucoup de mal là-dessus. Aller très doucement à vélo, il faut toujours que ça soit un peu ludique. Pourtant, quand je cours avec toi, tu arrives très bien à courir doucement. J'ai hâte d'être à mardi. C'est là que je vais la regretter, je crois. Non, moi, j'aime bien mettre de l'intensité. Et puis, ce qui est sympa, c'est aussi aller s'entraîner avec les copains. Quoi. Tout seul, c'est un sport individuel, mais ça peut être très long tout seul. Et très ennuyant, donc oui. C'est quand même cool d'avoir du monde pour oui, s'entraîner. C'est vrai que moi, c'est une part du club que j'aime beaucoup, moi, c'est se retrouver le mardi tous ensemble pour faire des séries de... Des tours de piste pour tourner en rond. C'est ça, cool. Des séries de 1000 mètres. Si on m'avait dit ça il y a 5 ans, que j'allais faire des séries de 1000 mètres et que j'allais être content, bon, j'aurais pas cru... Mais c'est vrai que c'est sympa, et puis le vélo aussi, alors je t'ai moins vu en vélo, beaucoup à la course à pied, vélo je pense que t'as plus fait de ton côté. Effectivement. Mais le vélo, moi j'aime beaucoup aussi rouler avec le club, c'est hyper sympa. C'est plus ludique. Ouais. Toi dans le triathlon du coup, tu disais que t'avais fait de la natation quand t'étais gamin, c'est quoi tes points forts, tes points faibles Parce qu'en plus, tu me disais en off, quand on s'est vu ce week-end, tu disais, bon, ben, c'est définitivement vrai, les triathlètes ne savent pas nager. Il fallait peut-être pas le dire comme ça. Hein. Non, c'est vrai que, vu un œil extérieur au triathlon, on voit, je pense que déjà, c'est trois sports. Donc ouais. Les gens, ils trouvent ça déjà, un sport, c'est dur, trois sports, c'est énorme. Le triathlon, c'est quand même un sport où on se fait mal, on se rentre dedans, on fait beaucoup de volume, ça fait mal. Après, quand on commence à le faire, c'est différent, on a un œil, je pense, ouais, une vue différente sur le sport. Mmh. Et la natation doit être le plus dur. parce que courir, on a tous un peu couru étant petit, on a toujours tous un peu fait du vélo, même si on va pas très vite, ou du VTT ou autre. La natation, c'est pas forcément donné à tout le monde d'en faire à l'école ou autre. Donc moi, ça a été le cas. J'en ai fait. L'école nous permettait toutes les semaines. Alors je pense, j'ai plus trop. J'étais vraiment petit, quoi, pendant 2, peut-être 3 ans, à aller à l'école et prendre des cours. Et j'ai continué à côté jusqu'au moment où ça devenait un peu compétition et j'ai arrêté. Mais ça me permet d'être à l'aise dans l'eau. J'aime bien ça. Donc j'ai pas aujourd'hui. Je pense que j'ai plus de points réellement forts ou faibles. Avant, c'était le vélo, il y a quelques années. Bon, j'ai fait un peu de VTT, mais le vélo de route, c'est quand même quelque chose de particulier. Ouais. Et la natation, ouais, je pense que le triathlète n'est pas forcément bon nageur par rapport à des gens qui sont à la natation. Ouais. Donc, je tire peut-être un petit peu mon épingle du lot, là, en nageant à peine un peu mieux que la moyenne. Mais sinon, il n'y a pas de point fort ou point faible. On essaye de les travailler. Ouais. Les chutes, peut-être. Les chutes, oui. C'est le point faible. Ouais, l'adresse en vélo, peut-être. C'est ça, l'agilité. Ouais, je pense qu'il y a quand même une grosse part de chance là-dedans. Espérons. Ça tourne. J'espère. Écoutez, je vous propose qu'on fasse un petit jeu, si vous le voulez bien. Donc, on va. C'est un petit jeu où je vais vous faire plusieurs propositions. Il faut que vous me choisissiez l'une ou l'autre. Okay. Ou, des fois, il y en a trois. Mais bon, vous allez vous en sortir. Donc, c'est parti pour le tu préfères. Ok, donc c'est parti pour le tu préfères. Donc Léa, tu réponds en première et Franck en deuxième. Okay. Donc Léa, tu préfères la Real Sociedad ou l'Athletic Bilbao ? Oh purée, la Real Sociedad. Franck ? Franchement, aucune préférence. Oh là là, tu commences. Désolé, il faut toujours choisir. Léa, tu préfères Biarritz ou Bayonne ? Bayonne. Bayonne. Léa, tu préfères la course à pied, le vélo ou la natation ? Le vélo. Franck ? Course à pied ? Ok. Léa, tu préfères Pogacar, Vingard ou Evenepoel ? Pogacar. Franck ? Poggi aussi. Ok. Tu préfères l'OM ou le PSG ? L'OM. La même que la première réponse. Bah non, mais franchement... j'ai fait 20 ans de foot, mais aujourd'hui, je regarde plus du tout. Et... Okay. Léa, tu préfères Dupont ou Wilkinson ? Dupont. Ok. Français ? Dupont. Bah oui. Tu préfères les distances S, M, L ou XL ? XL. XL. Et Franck ? Moi, j'aurais tapé au milieu M ou L. Oh ouais. C'est des belles distances, je trouve. Léa, tu préfères Nadal, Federer ou Djoko ? Nadal. Ok, Franck ? Federer. Ou Usain Bolt ou Michael Phelps ? Michael Phelps. Pas facile, ça, hein ? Bolt ? Bolt ? Ah ouais ? Ok. Léa, tu préfères traverser la Manche à la nage, les Pyrénées à vélo ou le GR20 en courant ? Ah ! Je me suis posé la question parce qu'il n'y a pas longtemps. Traverser la Manche, je pense. Ah ouais ? C'est parce que comme j'aime pas trop la natation, c'est un défi. Ok. Mais moi, vu que j'ai dit que j'aimais bien courir, je veux dire le GR20. Que t'as déjà fait ? Que j'ai déjà fait, et j'ai déjà fait la traversée des Pyrénées aussi à vélo. Ah ouais, donc la Manche. La Manche, c'est pas prévu encore. Hein. Ok. Eh bien, merci pour ces réponses. Ah, des réponses étonnantes. Étonnantes ? Bah, je vous laisse traverser la... T'aurais dit l'OM, c'est pour ça. Alors déjà, oui. Moi, je dis l'OM. Et puis bon, traverser la Manche à la nage, mais quelle drôle d'idée. Moi, je me suis posé la question il n'y a pas longtemps. J'ai regardé pour... Parce que moi, en faisant les questions, je me suis dit, tiens, il faudrait que je trouve un truc sympa pour, avec les deux sports, enfin, avec les trois sports et tout ça. Donc, vélo, traverser Pyrénées, j'ai un peu recyclé. Le GR20, voilà. Et après, j'étais là, mais la nage, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est pour et toi, après, ça, peut-être, la nage. Ouais, c'est ça, non. Je déteste nager. Enfin, je déteste. Je m'y mets, mais c'est un peu compliqué. Donc du coup maintenant on va parler un petit peu tranquillement de triathlon tous les trois. Qu'est-ce qui vous plaît vous dans l'ambiance du triathlon? Qu'est-ce qui vous a amené vers ça et qu'est-ce qui vous fait rester dans le triathlon? Peut être aussi large que vous voulez. Bah moi ce qui me fait rester dans le triathlon c'est qu'il y a trois sports et je suis quelqu'un qui peut facilement se lasser et du coup bah là comme il y a trois sports à faire, la lassitude elle est... Bah, elle n'arrive pas, quoi, parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est toujours plus ou moins différent. Ouais. Toi aussi, Franck ? Moi, j'ai fait du sport donc du foot, et c'était super sympa, l'esprit d'équipe, etc. Et puis j'ai voulu... Alors, je sais pas comment c'est arrivé, tu l'as dit au début, je me rappelle pas du tout. Je courais un peu, j'ai fait un peu de VTT, et puis c'est vrai qu'un sport individuel, dépassement de soi aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas de lassitude, même si... vu extérieur, c'est pas très ludique quand même le triathlon. Nager dans une piscine de 25, tourner, faire des tours de piste. T'es pas obligé de faire des tours de piste en soi. Non, mais c'est bon, l'hiver. Toi, Léa, tu en fais très peu. J'en fais très peu, ouais. Très peu. Mais dépassement de soi, c'est quand même un sport où on va chercher loin, en volume, en intensité, on apprend à se connaître. Et ouais, puis, c'est ça. Même si c'est individuel, on partage quand même beaucoup avec les copains, quoi. Mais moi, j'ai fait beaucoup de rugby, et c'est vrai que dans le triathlon, à la base. Alors moi, je me souviens pas très bien comment je m'y suis mis, mais je sais qu'à la base j'avais un vélo, donc j'ai fait du vélo. Et puis après, je me suis dit, tiens, je m'inscrirais bien à une course, mais les courses de vélo, ça court pas les rues. Donc j'ai trouvé un duathlon, donc je me suis dit, tiens, il faut que je cours un peu. Donc du coup, j'ai fait ça, après je me suis réinscrit l'année après. Et donc après, j'ai cherché d'autres duathlons, donc j'ai fait deux ou trois duathlons. Et puis après, je me suis dit, tout seul, j'aimerais bien rouler un peu avec du monde. Donc, je me suis inscrit au club. Et donc, au club, j'ai rencontré notamment Franck qui me disent tous, ouais, faut la piscine. Donc, cette année, je m'y suis mis. Et donc, du coup, à partir de l'année prochaine, je vais commencer à faire des triathlons un petit peu plus longs. Et c'est vrai que, à la base, c'était quelque chose que j'étais content de faire tout seul parce que le rugby, c'est bien, mais on est quand même dépendant des autres. C'est vrai que se retrouver tout seul. Et au final, ce que j'apprécie le plus, c'est d'être avec les autres. Donc, en fait, c'est une boucle un peu vicieuse, mais je dois dire que c'est quand même cool de pas être obligé d'être avec les autres et de pouvoir s'entraîner aussi tout seul de son côté. Peut-être les avantages et pas les inconvénients. Ouais, ça c'est vrai. Ça motive en fait d'être avec les autres, mais ton effort dépend que de toi. Oui, c'est ça. Mais c'est toujours sympa de voir du monde. Puis les autres te poussent. Ça te pousse à aller un peu plus loin, un peu plus vite, un peu plus fort. Ouais. Et puis surtout qu'en plus, c'est vrai qu'à l'Aviron, on a quand même moi, je trouve que c'est un club qui est très sympa. Et puis, on a des activités un peu toute l'année qui sont cool où quand on organise des triathlons comme celui de la Nivelle où on se retrouve tous ensemble. Moi, je sais que j'ai passé des super journées. Au Corsaire aussi, j'avais passé des super journées. Avec Franck, on a fait un stage qui était organisé par le club l'année dernière qui était super aussi. Là, on a samedi dernier, on s'est retrouvé pour manger une galette. On a fait un bike and run. C'est vrai que c'est toujours des moments hyper sympas. Et au final, toute l'année, on se voit beaucoup. C'est ça les meilleurs moments. C'est pas forcément le sport, c'est ce qu'il y a à côté. Le pot de départ de Franck pour la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, il y a plein de moments sympas. On va revenir aussi sur quelque chose dont on a parlé au début, sur la nutrition dans le triathlon. C'est vrai que, notamment dans le stage, on m'avait dit, vous avez fait un soir un cours de nutrition. Alors moi, je vous avoue que la nutrition, je n'y fais absolument pas attention. Mais comme je suis inscrit sur une distance L, je pense qu'il faudra que je m'y plonge un petit peu pour voir le jour de la course, même si c'est moindre qu'un full Ironman. Mais vous, comment vous gérez ça? Comment vous avez abordé ce sujet-là? Et quand tu parles de l'année prochaine, du coup, pour les prochaines distances, c'est cette année, en fait. Ouais, 2025, là. Enfin, l'année prochaine. Ouais, j'ai pas encore passé. Ouais, je suis pas encore... On y est. Ouais. Et la nutrition ouais. Bah, moi, nutrition, c'est hyper particulier. Je pense qu'il faut tester plein de... Enfin, il y a la base de ce qu'il faut savoir. Bien s'hydrater, apporter du carburant à son corps pour pouvoir avancer. Mais après, il faut savoir... comment trouver ce carburant-là et tester plein de choses parce que ce qui va convenir, par exemple, à Franck ne va pas forcément me convenir. Donc, pendant l'entraînement, il faut essayer de voir ce qu'il faut apporter à son corps, qu'est-ce qui fonctionne sur toi et après l'appliquer lors de séances type de course ou même footing, enfin voir, pour pouvoir après le mettre en place pendant la course. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment très personnel la nutrition. Il y a la base, mais après on se l'adapte en fonction de soi. Ouais, parce que ça c'est la nutrition pendant l'épreuve et avant l'épreuve. Est-ce que dans le quotidien vous avez avez un régime alimentaire strict ou moins strict? Les burgers, non? Burgers, frites. Non, je pense que moi je dirais à la base, quand on fait pas trop d'intensité et pas trop de volume, la nutrition joue pas beaucoup. Ouais. Mais on se rend compte que dans tous les sports, dès qu'on commence à aller à haut niveau, en fait les athlètes ils ont tous le même niveau. Donc ils essayent de travailler sur d'autres paramètres. Donc il y a la mentale et il y a notamment la nutrition. Et la nutrition, bah, pendant l'effort, pendant les compétitions, c'est encore autre chose. Et avant et après. Oui. Donc effectivement, pendant l'effort, il faut voir ce qui se passe bien. Tout ne passe pas bien ou au bout d'un moment, mâcher, c'est compliqué parce que le sang et les muscles, ils travaillent et l'estomac, il n'a plus envie de travailler. Et après, moi, donc oui, il y a des produits pendant l'effort. C'est parce que c'est, vous, c'est vous ce qui m'a fait défaut. Vous n'avez pas le petit sandwich au fromage dans le... Pourquoi pas ? Dans ouais, le truc. Pourquoi pas, hein, franchement... Sur une grosse sortie vélo où on fait une pause, où on a le temps de mâcher... Et pendant les compétitions, c'est comment ? Tu peux le faire. Enfin, nous, sur Ironman, au 90e kilomètre, tu peux avoir un sac avec ta nutrition à l'intérieur. Donc souvent, les gens ont parfois des sandwichs avec du fromage, du pain de mie. Ben justement, j'en parlais avec donc un collègue, Arnaud, du club de triathlon, qui disait que lui, il avait fait le full Ironman et qu'il il savait à ce fameux, je ne sais pas quel kilomètre, 90e souvent, qu'il avait un sandwich au pâté qui l'attendait et on lui a perdu le sandwich, donc il était dégoûté. Donc, c'était avancé en plus. Bah, le pâté, c'est peut-être pas avec le pain ce qui s'assimile le mieux. Oui, parce qu'il faut que ça soit... facilement digérable aussi parce que tout à fait. Bon, la base je pense que sur le vélo c'est quand on part le week-end c'est une banane et puis des barres après il faut effectivement que ça passe dans le sang assez rapidement et que peut-être un petit peu de plaisir aussi ça fait du bien à la tête et dans l'eau que vous buvez vous mettez rien. Boisson isotonique. Ouais, donc, parce que moi, en fait, j'ai découvert ça. Et en fait, ça a été le jour et la nuit, mes sorties vélo. Je ne connaissais pas une sortie vélo sans des hypoglycémies avant ça, je pense. Ah oui. Ah non, mais vraiment, je suis rentré un jour, j'ai pris ça, je suis rentré, j'étais bien. Je dis, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut que je rentre tout le temps. Et avant, mais vraiment, je me mettais dans des états, je pense, qui étaient vraiment pas bons. Moi, c'était le cas. Sur marathon et à Roth, c'est un peu ce qui m'a fait défaut. J'ai bu que de l'eau. Et en fait, il faut. Enfin, une boisson isotonique, c'est du sel et du sucre, quoi. Pour avoir du carburant en fait, sur le vélo. C'est ça. Ouais, bah, je pense qu'au-delà d'une heure et demie d'effort, il faut vraiment avoir de quoi se nourrir. La règle à la fin de la sortie vélo, c'est de rentrer chez toi et de ne pas tout dévorer dans les placards. Quoi. C'est d'avoir assez mangé, assez bu sur le vélo pour pas tout avaler directement. Quoi, et n'importe quoi. Après, cette sensation, elle est quand même bonne. Hein. Quand t'arrives pile au moment là et que tu rentres et que t'as envie de tout bouffer, c'est quand même pas mal. Une bonne douche et sur le canapé bien au chaud avec un bon repas, c'est sûr que c'est un peu pour ça qu'on fait du sport. Hein. c'est un peu ça, ouais. Mais après, c'est vrai qu'on mange quand même beaucoup plus quand... Par exemple, quand on a fait le stage où tu disais qu'il y avait quand même un volume assez important, je me souviens que les repas, on bouffait pas mal quand même. On dévorait. Avec l'effort que tu fournis, t'as faim. Hein. Ouais. Mais après, moi, par exemple, sur une sortie vélo, en rentrant, j'ai pas forcément très faim de suite. Je mange plus le soir que si je fais la sortie le matin que le midi même. Je sais que ça, je mets un peu de temps à ressentir la faim. Le temps que ça arrive. Ouais. Moi, j'ai faim direct. Ouais, t'as faim direct comme ça. Ouais. Et par contre, pendant l'effort, moi, j'ai beaucoup de mal à manger. Ouais. Je mange pas assez. Sur le vélo, c'est vrai que c'est banane, c'est barre. Quelques petits trucs plaisir, après ça peut être des bonbons, des chocolats. Ça c'est pendant tes sorties entraînement. À l'entraînement bien sûr, ouais. Ouais, en compétition, la banane est plus difficile à amener, même s'il y en a sur Ravito, mais ça va être des gels et puis des barres spécifiques un petit peu pour la compète. Ouais. Ok. Hydratation, beaucoup. Oui, il faut c'est super important. Après, ça, la base c'est dormir, s'hydrater. Donc il y a plein d'eau ou de choses différentes. Et après, il y a d'autres produits, des compléments ou des protéines de récup ou des choses comme ça. Quoi. Bah, chacun un petit peu a des choses différentes. Ouais. Ok. On va aborder un autre petit sujet du triathlon qui est souvent... on en parle souvent dans le triathlon. C'est le prix. Alors déjà, le prix pour faire du triathlon tout court, le prix d'un vélo, le prix du matériel, c'est quelque chose qui est assez onéreux. Et en plus, c'est vrai que si on prend donc vous, Ironman, c'est quelque chose qui est assez cher. Comment vous voyez, vous, quand vous dites c'est quand même un sport assez cher, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bah, moi, étant étudiante, c'est vrai que ça fait cher, cher, quoi. Ça fait cher. Je pense que tout le monde dit que ça fait cher, mais en fait on paye, hein, donc après je trouve qu'il y a quand même pas mal de prestations qui vaut pas forcément le prix de ce que ça vaut, mais les routes sont quand même barrées, il y a beaucoup de monde qui est là, enfin... Là, tu parles des inscriptions. Ah, je passe des inscriptions. Ah oui, en soi. Après, oui, pour... après, une fois que... Oh, ouais, non, bah, Franck, tu vas mieux détailler, mais... Moi, je trouve que oui, le sport, en soi, il est cher. Bah, après, tout le monde a une paire de baskets, mais bon, à un moment donné, quand tu veux même évoluer, bah, ta paire de baskets, elle est vite fichue. Après, bon, t'as un vélo. Tout le monde peut avoir un vélo et commencer avec un vélo normal, mais une fois pareil, tu veux évoluer, bon, bah, le vélo, il faut le changer. Et bon, un maillot de bain, en soi, un maillot de bain, il peut te faire 5 ans, hein, lui, ça, c'est pas très grave. Mais bon, il y a... Toi, Bijente, le maillot de bain. moi, il a déjà plusieurs années. Il n'est pas usé par le chlore. Pas usé pour un poil. Mais c'est vrai que le vélo, c'est quelque chose qui est très onéreux, cher. Ouais. Et c'est dingue, moi je trouve, quand on arrive dans un parc à vélo, le voir la qualité des vélos de tout le monde, moi je trouve ça... Beaucoup d'argent dans le parc. Bon, ah ouais. C'est fou. Parce que moi j'ai un vélo qui est un nouveau vélo, qui est un bon vélo, mais c'est vrai que quand je regarde, en fait, c'est un vélo assez classique comparé à tout le monde. Tout le monde a un vélo carbone, un truc. Et c'est vrai que quand je vois le niveau de certains, je me dis... Il y a quand même une surenchère de... Ouais, une surenchère du matériel par rapport... Ça fait qu'évoluer, donc on est toujours à changer. Ouais. Et c'est vrai qu'une licence, nous, à l'aviron, je ne sais pas si on parle de chiffres, mais une licence de foot ou de rugby, aujourd'hui, ça doit être 100, entre 100 et 150 peut-être, même si avant, moi, je crois que je la payais 90 euros. Quelques années, la licence de triathlon, c'est plutôt 300 euros. Bon, y a trois sports, donc en soi... ça semble cohérent, il peut y avoir trois entraîneurs, et puis à l'aviron, on est quand même gâté, on a beaucoup de créneaux natation, de course à pied, des séances vélo, donc ça revient pas si cher que ça. Mais après, l'équipement, course à pied, comme elle a dit Léa, ça vaut pas très cher, même si les baskets, mais bon, c'est ça reste correct. La natation aussi, une paire de lunettes, un maillot de bain, c'est la combinaison peut-être qui est le plus onéreux. Après, le sport mécanique, le vélo, c'est sûr que le vélo en soi, c'est cher, et tout l'équipement qu'il y a autour, c'est cher. Après c'est un investissement qui est par rapport à ce qu'on a envie de faire. Ouais, je pense que quand tu veux commencer et goûter au triathlon, t'as pas besoin d'investir énormément. C'est juste à un moment donné, bon bah comme tout, tu t'y plais, t'as envie d'évoluer, et là bon bah tu veux te faire plaisir dans du matos un peu plus qualitatif ou évolué de ce que tu as déjà. C'est un peu les gens qu'il y a autour de nous qui nous font changer, mais on peut bien commencer avec un VTT et puis, ou un Vélib, hein. Il y en a qui font un Vélib au départ. C'est vrai que c'est l'engrenage quand même, on a tendance à vouloir en faire toujours plus, que ça soit plus, en compétition, dans le matériel, dans tout, on a envie de voir un peu plus à chaque fois. Mais les compétitions sont chères aussi, au foot, t'as deux entraînements et t'as un match, le week-end il est gratuit, quoi. Et t'as le goûter après le match. Là, à chaque course, il faut s'inscrire. C'est une inscription, c'est un déplacement, c'est un logement, donc c'est pas mal d'investissement là-dessus. Même si c'est notre passion, donc on y va tous les jours. Mais c'est vrai que moi, j'ai été étonné du prix des compétitions, notamment sur les grandes distances. C'est vrai que je trouve que l'écart entre le M et le L est quand même assez... jusqu'à M, on est sur des prix qui sont quand même assez... Abordables et en rapport, je trouve. Et puis c'est vrai qu'après, quand on passe sur du L, XL, on arrive sur des prix quand même qui sont vachement élevés, je trouve. Tout dépend si c'est du label d'une marque déposée. Après, ça dépend de chaque marque aussi. Et encore, je trouve que maintenant, même tout autour, tout a augmenté. Ouais, c'est vrai. Oui. Mais Ironman est quand même la marque la plus chère, je pense. Tout a augmenté et en plus, toutes les compétitions sont full. Il n'y a plus de place très très vite dans l'année, que ce soit en triathlon, mais en course à pied, en trail, etc. Dans le coin, là, c'est... Oui, même les cyclosportives en vélo, on voit la bicycletta qui est partie en un quart d'heure. Il faut prévoir sa saison assez tôt à l'avance. C'est pas facile de se projeter 6 mois, 1 an à l'avance, savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire ou comment on va être à ce moment-là. Ça, c'est sûr. Mais moi, j'ai un collègue, Thomas, donc s'il nous écoute, je lui fais un petit coucou, il se fout de ma gueule parce que je fais du triathlon et il me dit que je fais un sport de chirurgien alors que je suis que géomètre. Et alors ça m'énerve un petit peu, mais je suis obligé de lui donner raison parce que c'est vrai qu'il y a quand même c'est quand même un sport où il y a quand même un peu d'argent, et c'est vrai que souvent dans les parcs à vélo, on voit, tu dis il y en a en Vélib, mais la plupart sont quand même plus... Il y a pas trop de Vélib dans les parcs à vélo, sur les grosses compétitions. Non, c'est déjà arrivé, mais voilà, mais il faut dire quand même que c'est plus... Sport de chirurgien, c'est pas mal. Ouais. Il dit tu fais un sport de chirurgien alors que t'es géomètre. Quoi. De rentier célibataire, quoi, un peu. Aussi. De célibataire, il me dit aussi, il y a un moment donné... Du temps. Donc sinon, vous, après, c'est quoi vos prochains objectifs là ? Eh bien, moi, mon prochain objectif, ça va être du coup le marathon de Barcelone en mars. Ouais. Et après, je me relance sur Ironman, parce que j'adore. Et du coup, je vais faire l'Ironman de Lanzarote au mois de mai. Ouais. Et bon, pour la première fois, je m'étais pas fixé l'objectif de me qualifier, mais là, j'ai vraiment envie de me qualifier du coup pour les championnats du monde. Voilà, retourner aux championnats du monde, mais là, qui auront lieu à Hawaï. Ah oui. Parce que, en fait, une année sur deux, ça change. Il y a les hommes à Hawaï et les femmes à Nice. Et cette année, du coup, c'était les femmes à Nice et les hommes à Hawaï. D'accord. Et pour 2025, c'est les femmes à Hawaï et les hommes à Nice. Ok. Donc, ouais. Voilà, c'est un rêve d'aller à Hawaï, à Kona, parce que c'est là où. Un peu le fief du triathlon. Le premier Ironman, je crois, a été fait donc sur l'île d'Hawaï. C'est ça. Ouais. Et Barcelone, le marathon, c'est pour essayer de retrouver la même ambiance que sur l'Ironman. Oui, je pense qu'il y aura une bonne ambiance, mais surtout pour remettre un peu de l'allure, parce qu'un marathon sur Ironman, c'est totalement différent qu'un marathon comme ça d'un coup. Quoi. Donc, ouais. Envie de me refaire plaisir sur la distance que j'aime beaucoup. Ok. Et après, tu arrêtes le... Et après, je prends ma retraite. Tu prends ta retraite. Non, non, après, bon, il y aura d'autres choses qui vont arriver, mais c'est les deux gros objectifs. Okay. Et puis après, du coup, s'il y a les championnats du monde qui auront lieu en octobre, bon, de mai à octobre, je vais voir ce que je vais faire, mais surtout, préparer les championnats du monde. J'espère que j'y serai, quoi. Oui. Voilà. Bon, très bien. Eh bien, on te souhaite bon courage. Merci beaucoup. Et toi, Franck ? C'est pas facile hein, ça, à trouver un peu les objectifs de l'année ou autre quand on en fait tous les ans. Et on n'est pas dégoûté, on aime toujours ça, mais... Ça sent la langue de bois pour pas nous dire son programme. Non, je vais vous dire ce que j'ai prévu. Mais des fois, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher un temps, on va chercher une nouvelle compète. Toujours gratter des minutes, est-ce que c'est intéressant ? Moi, j'aime bien la compétition, j'aime beaucoup l'aventure. Mais cette année, à pied, moi, j'aimerais bien faire un gros semi. Donc, ça y est, je pense que j'ai trouvé, mais faire un joli temps sur semi. Ouais. Ça fait longtemps, je fais beaucoup de courses, mais 10 km ou autre. Je suis pas sûr qu'il y ait encore grand chose à gagner sur 10 km, mais un semi, j'aimerais bien. Ouais. L'année dernière, tu as fait un gros, gros temps sur 10 km, il me semble. Je pense que j'ai beaucoup évolué l'année dernière à pied, mais en semi, j'avais pas fait de course, donc un beau semi. Et après, cette année, on va faire le T24, donc triathlon pendant 24 heures avec l'aviron. On part sur l'île de Ré, c'est le 14 et le 15 juin prochain. Et d'ailleurs, on y va tous les trois. D'ailleurs. Bah oui, moi, j'y vais aussi. Hein. Effectivement. Ah oui. Je suis à l'équipe de 4. Bienvenue. Merci. Et malheureusement, moi je suis sur une équipe de 2, donc on peut faire 2, 4 ou 6. Donc on se relaie de mémoire, c'est 4 heures de natation, 12 heures de vélo et 8 heures à pied. Ouais, c'est ça. Donc moi je le fais avec Manuela du club aussi, avec qui j'ai fait la traversée des Pyrénées. Donc ça va être un joli défi. Ouais. On sait pas trop, bon on y va, on est un peu compétition, mais on y va quand même pour faire quelque chose de sympa et puis un peu aller découvrir des choses de nuit notamment où on n'a pas trop l'habitude. Et après, dans le coin de la tête, là, il y a peut-être les championnats du monde 70.3. Ironman, c'est toujours au même endroit, enfin toujours à Nice ou à Hawaï. 70.3, c'est partout dans le monde, donc ça change tous les ans. L'année dernière, donc cette année-là, c'était, enfin l'année dernière, 2024, c'était à Topo. L'année d'avant, c'était à Lati. Et donc l'année prochaine, cette année, c'est à Marbella, en Espagne, donc c'est pas trop loin. Donc il va falloir aller se qualifier d'abord, mais c'est dans un coin de la tête, ça va se décider très prochainement. Okay. Avec les chutes en moins peut-être. Avec les chutes en moins, mais il n'y aura plus de chutes, c'est fini. C'est fini ? Ça met 203. Moi je pense que j'ai eu le quota ces dernières années. Promis, tu chutes plus ? Si je pouvais promettre ça. Ouais. Du coup, il y a des sports que... Parce qu'il y a déjà trois sports dans le triathlon, je demande toujours ça à tous les invités. Il y a des sports que vous aimeriez essayer, que vous avez jamais fait, que vous dites bon mais si j'arrive le triathlon peut-être je vais me mettre à ça ou j'aimerais bien essayer un truc comme ça. Moi je sais bon, après je suis déjà pas, enfin je fais du triathlon mais je fais aussi quand même pas mal d'autres sports à côté mais comme la pelote ou du surf. Ah ouais. Et mais j'aimerais bien tester l'aviron. Ah ouais. Ça me, quand je cours au bord de Nibles et que je les vois s'entraîner, je me dis oh là là, j'aimerais bien essayer. Oh, je te comprends tellement pas. Je me dis mais je me dis tellement que ça doit être horrible. Ah ouais, moi je trouve ça a l'air d'être trop bien. Oh là là là. Ouais. Et toi, Franck ? Moi j'adore le sport en général. Ouais. Là c'est le triathlon, mais j'ai fait un peu d'escalade en salle, notamment en bloc. Je trouve ça très ludique. Et ça tue ça. C'est un sport où on fait pas que le sport, il y a un côté réflexion et puis passer un bon moment. C'est là où ça bloque pour toi. C'est là où ça bloque. Au moment réflexion. Autant monter, ça va, mais la réflexion. Non, mais j'aime bien ça. On dit comment on doit monter en haut, quelle prise on doit prendre, et puis on partage aussi, même si c'est individuel, on partage beaucoup. Après, un sport que je voudrais essayer, pour l'instant, non. En fait, moi, c'est plutôt il y a le triathlon et des aventures avec du sport derrière. Mais on a parlé du GR20 tout à l'heure, c'est des belles aventures, et puis il y en a d'autres en tête ou qui vont sortir. Prochainement, il y avait Léa qui voulait faire quelque chose cette année, ça s'est reporté, mais moi, ça fait 2-3 ans que c'est sur les petits papiers, on verra quand c'est. Et on peut le dire ça ou... Alors Léa a l'air étonnée, je crois. Je demande ce que c'est, mais bon, je sais pas de quoi. C'est le Kilimandjaro, monter le Kilimandjaro. Ah oui. Moi, ça fait, c'est un copain qui m'en a parlé aussi, ça fait 2-3 ans que c'est dans les petits papiers, bon, faut l'organiser. Voilà, il y a du sport forcément, parce qu'il faut monter en haut, tout le monde est capable ou pas, suivant l'altitude, mais. Voilà, c'est des projets un peu comme ça, un peu différents, quoi. Moi, je trouve ça horrible, l'altitude. Ah ouais ? Ah, je suis monté une fois à 5200 mètres, j'ai dit que je ne monterai plus jamais aussi haut. Ouais, ça donne des sensations totalement différentes. Moi, j'appelle pas ça des sensations, j'appelle ça de mal. C'est-à-dire ça dépend des personnes. Mal de tête, envie de dégueuler, c'est une horreur. Enfin, moi, j'ai pas du... Ouais, je crois que j'ai... Bon, je suis pas fait pour pas ça. Avec nous. Non, ouais, non. J'ai l'impression. Après, le Kilimanjaro, c'est pas... C'est 6000. Ouais. Ah, c'est 6000, ah oui, quand même. Ah, non, je pensais... Non, le Mont Blanc, c'est pas très haut. Le Mont Blanc, c'est pas très haut, c'est 4008. Oui, voilà. Mais le Mont Blanc est technique, il faut avoir un peu de notion, piolet, crampon, etc. Le Kilimanjaro, on y monte... C'est une randonnée, quoi. Une randonnée très haute. Une grande randonnée, ouais. Le seul point bloquant, c'est l'altitude. Okay. Parce que tout est accompagné et tout, donc ça va, mais ouais. À planifier. Ouais, bah oui, moi ça a été reporté. Moi j'essaierai bien les fléchettes. J'ai vu les championnats du monde des fléchettes. Mais pareil que t'es très bon aux fléchettes. Ouais, je suis pas mal. Moi je me suis fait sortir, mais par mon collègue Thomas, toujours lui. Ah, quart encore de finale. Le fameux Thomas. Ouais, quart de finale, il m'a sorti. T'es pas très content apparemment. J'étais meilleur et voilà. Ah. Comme quoi, sur le papier, ça fait pas tout. Je méritais la victoire et je l'ai pas eu. T'as chuté toi aussi. J'ai un petit peu chuté. Ouais. Niveau triathlon, est-ce que j'ai abordé tous les sujets que vous vouliez aborder ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez me dire que j'ai oublié? Comme ça? Non? Je sais pas, c'est un beau sport. Exigeant. Ouais. Un beau sport, exigeant. Beaucoup de plaisir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, on prend beaucoup de plaisir. Ouais. Ouais. C'est très chouette, mais il y a des hauts et des bas, hein, comme dans tout. Hein. Ouais. Pas très agréable à regarder à la télé, alors en direct. Moi, je trouve ça, je ne supporte pas regarder. C'est long. Alors, soit, on regarde les distances Ironman et Alpha Ironman, et alors c'est lent, et en plus, c'est tout seul, donc du coup, il n'y a personne qui se double. Soit, en fait, les Jeux Olympiques, par exemple. La Super League ou des choses comme ça, ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble, ils sont en vélo, ils roulent en peloton et après, ça se joue à course à pied, quoi. Autant regarder un 10 km. Voilà, moi, c'est pas. C'est vrai que c'est un sport qui est beaucoup plus sympa à pratiquer qu'à regarder. Tout à fait. Pour le coup. Je suis bien d'accord. Ouais. Sinon, d'autres choses à rajouter. Non, et puis ça évolue pas mal. Bah, je pense que les JO ont, pas que pour le triathlon, mais une grosse simulation, c'est un peu médiatisé. Et puis, on a l'impression, quand on en parle avec d'autres personnes, qu'il n'y a pas grand monde qui connaît ou qui pratique. Et quand on se retrouve sur compétition, on voit tous ces gens qui font ça, c'est assez impressionnant. Ouais, moi, je trouve qu'on est dans un milieu où il y a beaucoup de triathlètes. Et du coup, quand tu parles un peu plus aux gens de l'extérieur, bah, tu dis, en fait, bah, non, c'est pas si connu que ça, même s'il y a beaucoup de gens sur le triathlon. Ouais. Mais oui. Mais après, moi, j'ai amené mon père sur une compétition. J'ai fait le triathlon de Luchon cette année. Et donc, il était là et il m'a dit, mais c'est dingue, je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde qui ferait. Et je fais, mais tu sais que c'est un tout petit triathlon. On était 200, je crois, au départ. Ah oui. Donc, c'est tout petit. Je lui dis, mais en fait, il y en a beaucoup plus qui font du triathlon que ça. Il fait, ah, mais je pensais pas. Je pensais que vous étiez 6. On ne se rend pas compte. Ouais, ouais. Mais il y a du monde. Okay. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir essayer le triathlon, courir. Vous n'êtes pas obligé de nager. Non plus, si vous n'aimez pas ça. Il y a plein de sports associés. Ouais, parce qu'après, on peut très bien en supprimer un. Moi, j'ai fait pas mal de duathlon sans nager. Il y a aussi les swim and run pour ceux qui aiment nager et courir qui aiment pas aller faire du vélo. Il y a des bike and run comme on en fait ce week-end, donc vélo et course à pied. De l'aquathlon. Ouais. Aquathlon, c'est natation et course à pied. Donc pas en swim run, pas en même temps. Donc on alterne pas, on garde pas les chaussures qu'au pied. D'accord. On fait d'abord la natation et après la course à pied. Ok. Non, voilà. Petite dernière question. Donc, la radio émet en basque et en occitan. Vous êtes licencié à l'Aviron Bayonnais. Quel rapport à la culture basque, à la langue basque vous avez? Alors, toi, Léa, t'es d'ici, toi. T'es du Pays basque. Toi, Franck, t'es pas d'ici. T'es arrivé donc en 2019. C'est ça. Du coup, quel rapport vous avez? Quelle vision vous avez de ça? Parce que déjà, toi, Léa, t'as choisi une chanson en basque. Ouais. Mais je suis pas d'ici non plus, je suis pas née au Pays Basque. Ah, t'es pas née au Pays Basque. Mais t'as grandi ici. Ouais. Et moi, le Pays Basque, c'est la culture. Je sais pas comment, j'aime beaucoup la culture du Pays Basque et l'identité qu'il y a. Et je suis pas née au Pays Basque, mais bah voilà, mon quotidien, c'est écouter du basque. Mmh. Mes parents ne le parlent pas, mais je sais qu'avec ma sœur, comme on l'entend beaucoup autour de nous, bah nous, on essaie de le parler entre nous. D'accord. Même si c'est pas toujours facile, parce que franchement, c'est quand même très compliqué. Ah, ça c'est sûr. Mais surtout quand on n'est pas plongé depuis tout le temps. Ouais, c'est hyper dur, mais voilà, c'est l'identité et... Bah, l'appartenance à ça. Ok. Et toi, moi, je suis pas basque non plus, je suis né en Gironde et j'ai vécu beaucoup dans les Landes, donc pour l'instant, ça fait 7 ans que je suis à Bayonne, mais je dirais plus que je suis landais du côté nord de la Dour. En plus, t'es pas passé la Dour encore, toi, ta vie. Et effectivement, je suis de l'autre côté de la Dour. Ah, j'y passe pour l'entraînement ou autre. Non, mais moi, je me sens bien ici, il y a une bonne atmosphère, c'est sûr que la culture et puis les gens qui y vivent, c'est assez fort. Mmh. C'est prenant, etc. Donc on s'y sent bien. Donc y a un peu de tout aussi, mais il y a cette culture derrière qui est sympa et puis qui amène pas mal de choses. Il y a le sport, mais il y a bien manger, bien vivre et puis toute la culture derrière. C'est sûr. Moi, je trouve quand même que dans le triathlon, il y a très peu la culture, parce que vraiment dans le rugby, on parlait beaucoup plus basque et tout ça. Donc du coup, très dans le triathlon, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Je pense que ça va se faire petit à petit, parce que c'est vrai que le Pays Basque Sud, pour le coup, fait beaucoup, beaucoup de triathlon. Ouais. Et on voit sur les courses de l'aviron, il y a souvent beaucoup de Basques du Sud qui viennent sur les compétitions, qui ont un gros, gros niveau d'ailleurs, en général. Et moi, je trouve un peu dommage, par exemple, que quand on organise une course, quand on fait les podiums, qui est pas de traduction en basque. Quelqu'un qui parle en basque ou en espagnol. Ouais. Triathlon de Saint-Jean-Luz, ils le font pas mal, hein, quand même. Ouais. J'ai jamais été au triathlon. C'est vrai qu'il y a pas de rapprochement entre le triathlon et la culture basque. Ouais, il y a pas de. Mais après, il y a un travail à faire, et je pense que ça va se faire petit à petit, parce que c'est un sport qui évolue. Maintenant, il y en a quelques-uns au club qui parle basque un petit peu, donc voilà, peut-être dans les années à venir. Toujours évoluer. Exactement. Ouais. C'était ma dernière question. Merci à vous deux. Peut-être quelque chose un petit mot pour finir. Bonne saison à Léa. Ouais. Et bonne saison à Franck. Ouais. Merci à toi de nous avoir accueillis. Bonne saison à vous deux. On se retrouve sur le T24. Avec Léa, on sera dans deux équipes différentes sur le même. Par équipe de 4, donc on pourra comparer nos résultats. Franck qui sera par équipe de 2. On se retrouve demain matin à la natation, sinon. Demain matin à la natation, non, moi je nage pas. C'est que les bons nageurs le matin. Ah, mince. Donc moi j'y suis pas convié encore. Bon, demain soir à la piste alors. Bon. Merci à vous deux d'être venus, d'avoir répondu à l'invitation. Comparé à la personne qui devait venir en décembre qui n'est pas venue, que je ne remercie absolument pas. Merci beaucoup à mon phare dans la nuit qui est toujours là pour faire ma technique, qui sourit à côté. Merci à Mathine qui me permet de faire cette émission, qui se lance sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Je ne sais même pas si on va continuer nos épisodes de la boîte à gants, je ne crois pas. Continuez à le suivre, continuez à écouter Radio Nos Cultures. Vous pouvez bien évidemment écouter cette émission sur radionoculture.wordpress.com. Salut à tout le monde et on se retrouve le mois prochain. Oh là là, oh là là, la chute de Melocchi. Moi j'aime trop les femmes pour les voir souffrir. J'aimerais également remercier Luigi.